Qui est-il vraiment? Un trafiquant d'êtres humains ou un philanthrope? Aujourd'hui encore, on se dispute à son propos. Alors voyons ce que pense M. X de cet étrange personnage, l'avocat est-allemand Wolfgang Vogel, qui, selon certaines sources, aurait obtenu la libération d'une trentaine de milliers de prisonniers politiques et qui aurait aussi permis à plus de 200 milliers d'Allemands de l'Est de passer à l'Ouest. Des faits qui ne semblent guère contestables, mais qui ne peuvent faire oublier que Vogel a rendu ses éminents services contre monnaie sonnante et trébuchante, et que, littéralement, ces hommes et ces femmes ont été vendus à l'Allemagne de l'Ouest. Un formidable marché qui a rapporté au fil des ans de précieuses devises à la RDA et de très confortables revenus à Vogel lui-même. Un commerce sur fond de guerre froide et d'espionnage qui pose des questions troublantes. Celle-ci, par exemple. L'avocat. Travaillait-il pour lui ou n'était-il qu'un zélé serviteur de la fameuse Stasi? A-t-il permis à certains dirigeants communistes de se constituer une véritable fortune? Et de quelle complicité Vogel bénéficiait-il à l'Ouest? Et enfin, malgré le procès qu'on lui a intenté, a-t-on réellement fait la lumière sur ce gigantesque trafic et le voulait-on vraiment? Monsieur X répond dans un instant. Ah, c'est une image qu'on ne peut oublier, celle d'un pont aux armatures métalliques qui franchit une petite rivière. Généralement, il fait encore sombre, petit matin ou crépuscule. De chaque côté du pont se trouve un poste frontière gardé par des hommes armés munis de jumelles. Et bientôt, de part et d'autre, des piétons, valises à la main, s'engagent sur la chaussée. Ils se croisent au milieu du pont. Échangent-ils un mot? Ouf, peut-être. En tout cas, c'est seulement à ce moment-là que ces hommes, au visage émacié, commence à esquisser un sourire. Oui, parce qu'ils savent qu'ils ne risquent plus rien et qu'ils sont libres. En effet. Ouais. Cette scène, vous l'avez vue plusieurs fois à la télé, même au cinéma, sur ce fameux pont de Glinecke, situé à l'ouest de Berlin sur la route de Potsdam. Oui, d'un côté la RDA et de l'autre la RFA. C'est ça, oui. Ouais. Un pont choisi par le camp occidental et le camp oriental pour procéder à des échanges. Des échanges d'espions, généralement. Vrais ou faux espions, oui. En URSS, il suffisait de peu de choses pour être considéré comme un espion. Être dissident, par exemple. Enfin, passons. Ce qui est important, c'est que la première mission de l'avocat Vogel a consisté à organiser l'un de ces échanges. Sans doute le plus spectaculaire. Ouais, échange entre qui et qui, alors? Le célèbre colonel Rudolf Abel. Ah oui, l'homme qui était le chef de l'espionnage soviétique aux États-Unis. Et qui a en particulier dirigé le réseau des espions atomiques, comme on les a appelés. C'est-à-dire des agents qui ont réussi à voler les secrets de la bombe et les ont transmis à l'Est. Oui, mais Abel avait fini par se faire pincer. Et il a été condamné à une lourde peine de prison. Ouais. Et de l'autre côté, alors, qui était le personnage à échanger? Un homme pas moins fameux, Gary Powers. Ah oui, ça c'est le pilote de l'avion espion U-2. Oui, l'appareil qui était pourtant censé voler hors de portée de la DCA, où des chasseurs soviétiques étaient abattus au-dessus du territoire de l'URSS et Powers a été capturé. Et lui aussi condamné pour espionnage. Une affaire emblématique pour le Kremlin, toujours prompte à accuser Washington de mener l'espionnage. Il y avait donc, de part et d'autre, si je puis dire, deux poids lourds de l'espionnage. Et des personnages hautement médiatiques. Par conséquent, les négociations préalables à l'échange ont été longues. Et c'est donc Vogel, pour le camp de l'Est, qui a conclu un accord. C'est ça. Et l'échange sur le pont de Glinecke a finalement eu lieu un jour de février 1962 à 8h du matin. Oh, un succès incontestable pour ce petit homme un peu rondouillard, le cheveu dégarni et le visage chaussé de grosses lunettes. La physique, au fond, le passe-partout. En effet, oui. Et dans son curieux métier, ce n'était pas plus mal. Vogel n'avait aucune envie de se faire remarquer, surtout quand il passait à l'Ouest. Enfin, quoi qu'il en soit, ce succès sera suivi de beaucoup d'autres. Une première remarque, Vogel, en français on dirait Vogel, devait être un avocat, en tout cas particulièrement important et bien noté par les autorités de son pays pour se voir confier une telle mission. Évidemment. Alors, voyons, si vous le permettez, quel a été son parcours et d'où il vient. Wolfgang Vogel est né après la Première Guerre mondiale en Basse-Silésie. Dans une région qui fait maintenant partie de la Pologne. Qui était alors allemande. Ça signifie que sa famille a été chassée en 1945. Et où ses parents se sont-ils installés alors? En Allemagne, bien sûr, mais dans la zone soviétique qui deviendra bientôt la RDA. Un choix? Non, ça, je ne pense pas. Ces réfugiés se sont fixés là où ils ont pu. Ouais. Et pendant la guerre, enfin, la Seconde Guerre mondiale, le jeune Wolfgang a-t-il été mobilisé? Oui, il aurait été incorporé dans la Luftwaffe. L'armée de l'air. Mais vous avez utilisé le conditionnel, hein? Ah ben parce que de nombreux éléments de sa biographie sont flous. Alors, je me contente de vous dire ce que j'ai appris. Vous l'avez découvert. Ouais. Autre indication importante, le jeune Wolfgang, élevé dans une famille très catholique, a songé à devenir prêtre. Alors, pourquoi a-t-il renoncé? Sans doute pour des raisons politiques. Commencer des études théologiques dans un pays communiste, ça n'était pas forcément très indiqué. Surtout pour un jeune homme plutôt ambitieux et bien décidé à se faire sa place dans la société. Il choisit le droit. Un peu par hasard. Quand il n'y avait plus de place à la faculté dentaire. Oui, mais en effet, pas de vocation particulière pour le droit. Non, à la toute fin des années 40, il fait une rencontre décisive, celle d'un juge de district dont il devient l'assistant, un certain Reinhardt, qui va bientôt être nommé à un haut poste à Berlin au ministère de la Justice. Alors, Fogel le suit à Berlin? Oui, là se situe un des épisodes les plus troubles de la vie de l'avocat. Quoi? En 1953, vous le savez, on assiste à Berlin-Est à d'importantes émeutes ouvrières. À tel point que les tanks de l'armée rouge interviennent pour mater les manifestants. La répression est en effet féroce. Et 4 mois plus tard, le protecteur de Fogel passe à l'ouest. Parce qu'il était opposé à la répression? Et au durcissement du régime. Et de Berlin-Ouest, où il a trouvé refuge, ce Reinhardt envoie une lettre à son ancien assistant, une lettre dans laquelle il le presse de l'imiter. C'est-à-dire de fuir la RDA. Hein. Ce qui, à ce moment-là, était encore relativement aisé. Toutefois, non seulement Fogel ne va pas suivre le conseil de son mentor, mais il se rend à la Stasi pour montrer la lettre qu'il a reçue. Le procédé ne l'honore pas. Hein. Ouais. Mais que cherche-t-il en agissant ainsi? Il veut incontestablement donner des gages à la police politique et prouver qu'à la différence de son protecteur, il est fidèle au régime. Ouais. Il a peut-être aussi peur alors de subir le contre-coup de la fuite de Reinhardt, non? C'est très possible. En tout cas, il est clair que désormais Fogel va devenir, qu'il le veuille ou non, un informateur de la Stasi. Un agent? Certainement. Mais il y a une autre version. Fogel aurait été recruté par la Stasi avant même la fuite de Reinhardt à l'ouest. Alors il aurait espionné son protecteur? À vrai dire, je n'en sais rien. Mais si cette deuxième version est la bonne, il est probable que le magistrat, se sentant surveillé, soit passé à l'ouest pour éviter une éventuelle arrestation. Enfin, poursuivons. La trahison de Fogel va avoir une conséquence dramatique. 2 ans plus tard, Reinhardt, très imprudemment, fait un voyage en RDA. Il est immédiatement arrêté et condamné pour espionnage. Et il passe 10 ans en prison avant d'être expulsé vers la RFA. Et tout cela, alors, à cause de cette lettre que Fogel a transmise à la Stasi? Essentiellement, oui. Et cela n'empêche nullement l'avocat de se trouver un nouveau protecteur encore plus puissant. Joseph Schreit, procureur général et surtout en charge de la justice au sein du PCS allemand. Ouais. Fogel est donc de plus en plus proche du régime. Hein. C'est exact, mais il noue aussi des contacts à l'ouest. À l'ouest, alors, mais c'est quoi, sur ordre? Très certainement. Il entre ainsi en relation avec un avocat très connu. Et il va même réussir à s'inscrire au barreau de Berlin-Ouest. Il faut dire, pour être tout à fait précis, que s'occupant de la réhabilitation d'anciens prisonniers de guerre, il est presque naturel pour lui d'entretenir des contacts avec ses confrères de l'Ouest. Pour l'établissement de ses dossiers? Oui, bien sûr. Ouais. Fogel est donc devenu, pardonnez-moi l'expression, mais une sorte d'agent double. Et la Stasi lui permet de passer la frontière aussi souvent qu'il le désire. Ouais. Mais est-ce que les autorités de la RFA savent que Fogel est un agent de la Stasi? Un proche du régime communiste, au moins. Mais vous savez, et on va bientôt en avoir la preuve, qu'il n'est pas toujours inutile de se servir d'un homme tel que Fogel, ne serait-ce que pour passer des messages discrets. Ah oui, un go-between, comme on dit aujourd'hui. Okay. Disons un intermédiaire, en bon français. Bon, d'accord. Car même si les deux États feignent de s'ignorer, il existe de nombreuses passerelles. Il ne faut pas oublier non plus qu'avant la construction du mur de Berlin, des dizaines de milliers de Berlinois de l'Est passent tous les jours la ligne de démarcation et vont travailler à l'Ouest. Oui, hein. Certains y restent. Pour cette raison que sera érigé le mur, pour éviter l'hémorragie. J'ajoute, mais nous en avons souvent parlé, que c'est grâce à cette perméabilité entre les deux Allemagnes que le chef de l'espionnage est-allemand, le célèbre Marcus Wolff, pourra truffer la RFA d'espions communistes. Oui, tous ces Roméo, entre guillemets, qui vont séduire des secrétaires un peu vieillissants. Ah oui, mais qui occupent des postes importants dans les ministères. Donc, pour revenir à ce que je disais, il existe de nombreuses passerelles malgré le rideau de fer. Et Fogel est incontestablement l'une d'elles. C'est lui, par exemple, qui défend devant les tribunaux est-allemands les intérêts de ses compatriotes passés à l'ouest. Plus subtilement encore, grâce à un capitaine de la Stasi chargé des rapports entre les églises, il joue un rôle d'ambassadeur officieux entre les hiérarchies religieuses. Celle de l'ouest et de l'est, donc. Et pas mal de règlements financiers sont ainsi opérés grâce à lui. L'homme qui voulait devenir prêtre. Bien entendu, c'est un monde qui ne lui est pas étranger. En outre, il faut bien le dire, l'église protestante de la RDA est très infiltrée par la Stasi. Comme l'église orthodoxe l'était en URSS par le KGB. Tout à fait. Mais la grande affaire de Fogel, celle qui va radicalement transformer sa vie, c'est cette mission qui lui est confiée. La récupération du colonel Abel contre la libération de Gary Bowers. Jacques Houbart et Jean-Michel Rankovitch, dans leur ouvrage « Guerre sans drapeau », ont précisément décrit ce fameux échange entre Abel et Powers sur le pont Glinekeu. Une précision toutefois avant de lire ce passage. Abel n'a pas seulement été échangé contre Powers. Un autre Américain, un agent de la CIA nommé Prior, a aussi fait partie du marché. L'échange donc. On attend de part et d'autre du pont. L'avocat d'Abel, Donovan, est là à côté de son client. Il est accompagné par le représentant de la CIA et d'un camarade de Powers chargé d'identifier le pilote. Soudain, un soviétique se présente. C'est un haut dignitaire du KGB. Il demande si l'échange peut avoir lieu. Mais les Américains veulent d'abord avoir la preuve que l'autre espion, Prior, est libéré. Le temps passe. On commence à s'impatienter dans les deux camps. Seul, Abel reste calme. Il a vieilli, il est là, mais son avocat dit qu'il y avait une impression de grande noblesse sur son visage. Enfin, la radio grésille. Prior vient d'arriver à l'ouest. Abel s'engage sur le pont. Au milieu, il croise Powers. Tous deux ont des sacs de maigres souvenirs de leur captivité. Se sont-ils parlé? On ne le sait pas. Déjà, Abel atteint l'extrémité du pont. Près d'une luxueuse limousine, un chauffeur attend. Il se met au garde-à-vous en apercevant Abel. Celui-ci est redevenu le colonel Rudolf Ivanovitch Abel. Il a retrouvé les siens. On n'entendra plus jamais parler de lui à l'ouest. Il faut remarquer que les difficiles négociations entreprises par Fogel ont abouti alors même que les Allemands de l'Est venaient d'ériger le mur de Berlin. Ah oui, c'est-à-dire un moment où les relations Est-Ouest étaient particulièrement difficiles. Bien sûr. Et dorénavant, le souriant et placide Herr Fogel va devenir un spécialiste des échanges d'espions et un familier du pont de Glinekeu. Je ne sais plus qui l'appellera d'ailleurs l'homme de Glinekeu. Et on calculera que Fogel a permis le retour à l'Est de quelques 150 espions communistes. Ah, c'est pas rien, des exemples? Ah oui, autant que vous voulez. Ainsi, Heinz Felfeu, un ancien nazi, qui avait réussi à infiltrer les services secrets de Bonn. Ouais, la fameuse organisation Gehlen. Qui avait de son côté reconverti pas mal d'anciens officiers du Troisième Reich. Felfeu devait donc s'y trouver comme chez lui. Hein. D'autres exemples? Marian Zakharski, cet espion polonais, prit la main dans le sac au cœur de la Silicon Valley. Oui, en Californie, je me souviens que vous avez déjà évoqué cette affaire. Hein. Autre espion célèbre, Günther Guillaume. Oui, le secrétaire ou conseiller du chancelier Willy Brandt. Un homme que les services de Marcus Wolf voulaient absolument récupérer. Et ils ont mis le prix, si je puis dire. Ils ont en retour libéré pas moins de 8 agents occidentaux. Mais si on met à part le cas du colonel Abel, la plus belle réussite de Fogel a été le passage à l'ouest en 1986 du dissident soviétique Anatoly Sharansky. Oui, un scientifique juif qui a depuis fait une carrière politique en Israël. Oui, à droite de la droite. Hein. Oui. Ben, tel n'est pas le sujet. C'est un refusnik, comme on disait à l'époque. Sharansky militait en URSS pour le droit des juifs à immigrer en Israël. Sujet tabou dans l'URSS de Brejnev, car les autorités soviétiques redoutaient de voir leurs élites intellectuelles quitter la fédération. Et dès 1977, Sharansky est arrêté par le KGB. Et un an plus tard, il est condamné à 13 ans de travaux forcés. Officiellement pour trahison et espionnage au profit des États-Unis. Oui, une accusation parfaitement mensongère. Hein. Bien évidemment. Fogel, c'est en tout cas ce qu'il a raconté lui-même, a négocié 6 ans durant avant d'obtenir satisfaction et de voir le refusnik traverser le pont de Glinekeu. Et les termes de l'échange hein? L'avocat a demandé la libération d'un couple de Tchèques. Anna et Karl Köcher. Mais si vous voulez bien, on en parlera, car ils sont à l'origine de l'arrestation d'un important agent de la CIA infiltré au sein du KGB. Ogorodnik, une histoire assez extraordinaire. Oui, donc on va en reparler. J'ai pris date, hein. Mais en fait, pourquoi Chernsky, là, qui était détenu en URSS, passe par le pont de Glinikeu en RDA? Oui, parce que l'endroit était devenu au fil du temps le lieu traditionnel des échanges d'espions. Mais j'imagine aussi que Fogel a insisté pour que ça ait lieu là. Glinikeu, c'était pour lui une sorte de signature. Quand il y avait un échange sur ce pont, on savait qui se trouvait derrière. Et dans le cas de Chernsky, c'était très important pour lui. Pourquoi alors? D'abord parce que Chernsky n'était pas un espion, mais un dissident politique. Ensuite, parce que la libération de ce refusnik, en faveur duquel de célèbres occidentaux avaient signé pétition sur pétition, lui permettait de redorer son blason. Personne ne pouvait contester le caractère humanitaire de son action. Et il en avait bien besoin. Qu'est-ce qui signifie, hein? Fogel voulait faire oublier les aspects les moins glorieux de son activité. Mais un peu de patience, nous allons y venir. Ah oui, n'allons pas trop vite, c'est ça. Oui, parfaitement. Enfin, quoi qu'il en soit. Fogel a particulièrement soigné le cérémonial de l'exfiltration de Chernsky. Avant l'échange, il a par exemple reçu personnellement le dissident chez lui, dans la très confortable villa qu'il possédait à proximité de Berlin-Est. A noter que ce soir-là, l'avocat avait un autre invité, l'ambassadeur des États-Unis en personne. C'est dire l'influence de Fogel. Et aussi son importance aux yeux des Américains. En effet. Alors j'en viens à l'aspect le plus trouble de l'activité de Fogel. Sa première réussite, l'échange à Bell Powers, lui a donné des idées. Sans doute a-t-il compris alors que l'échange pouvait ne pas être seulement humain. Humain, c'est-à-dire un espion contre un autre espion. Oui, mais l'opération pouvait aussi donner lieu à des négociations financières. Ah, alors là, c'est de l'argent contre un homme. Et Fogel était bien placé pour mener dans la plus grande discrétion ce genre d'opération. Et bientôt, il deviendra même indispensable. D'autant que les rapports politiques entre les deux Allemagnes ont évolué. Et que l'avocat va en profiter avec beaucoup d'habileté. Voilà, brièvement, qu'est-ce qui a changé, hein? Bah d'abord, en 1969, le social-démocrate Willy Brandt arrive au pouvoir. C'est un partisan convaincu du rapprochement entre l'Est et l'Ouest. Oui, ce qu'on va appeler l'Ostpolitik. Oui, ouais. Ça convient tout à fait à Fogel, qui fait ami-ami avec le numéro 2 du parti de Brandt, Herbert Wehner, un ancien communiste. Bah, ils ont un passé commun, en quelque sorte. Et pas mal d'affinités, politiques et autres. Ensuite, le grand protecteur de Fogel, à l'Est, le procureur Streit, l'investit du titre de conseiller et représentant légal dans les affaires spéciales. Ça veut dire quoi, ça? Bon, ça signifie que Fogel est en charge des relations les plus délicates entre les deux Allemagnes. Mais ça bouge aussi en RDA. Le numéro 1, Walter Ulbricht, doit céder la place à Erich Honecker, jugé moins sectaire par Moscou. Ouais, tout est relatif, hein. Parfaitement raison, oui. Ce changement politique est capital. Pour Fogel, qui se voit désigné comme premier conseiller pour les affaires humanitaires auprès du nouveau maître de la République démocratique allemande. Et dans les faits, l'avocat devient un ambassadeur officieux de la RDA auprès des autorités de la République fédérale. Il est de plus en plus influent. Et il va régner sur une grande partie des échanges entre les deux républiques sœurs. Tandis que, notez-le bien, il ne va cesser de cumuler les honneurs. Il est fait docteur honoris causa de l'Académie des sciences juridiques de Berlin-Est. Puis il reçoit des mains même de Honecker la plus haute distinction est-allemande. En même temps, et il n'est pas étranger à cette évolution, on observe une amélioration des rapports entre les deux Allemagnes. Oui, mais concrètement, ça se traduit comment? Un traité, signé en 1972, permet aux Berlinois de l'Ouest d'aller visiter leur famille demeurée à l'Est. Et deux mois plus tôt, on a assisté à une libération massive de prisonniers politiques détenus en RDA. Plus de 25 000. Mais seuls 2 000 d'entre eux ont recouvré gratuitement la liberté. Mmh. Les autres ont dû payer. Ou on a payé pour eux, ce qui est la même chose. Ouais. Et la transaction financière a été menée par Wolfgang Fogel? Bien sûr. Mais avant de voir cela dans le détail, il faut bien reconnaître que l'avocat jouit d'un véritable monopole en ce domaine. Tout passe par lui. À commencer par ces Deutschmark de l'Ouest qui vont lui permettre de se constituer une fortune très rondelette. Mais vous l'imaginez bien, il devra partager les bénéfices de ce fructueux et honteux commerce. L'ami de Fogel en Allemagne de l'Ouest s'appelait donc Wehner, Herbert Wehner. Et il occupait une position très importante dans le SPD, le Parti social-démocrate dirigé alors par Willy Brandt. Un ancien communiste a dit Monsieur X, et même un agent du Comintern qui avait, avant-guerre, échappé de justesse aux purges staliniennes. Mais Il avait gardé des liens assez étroits avec ses anciens camarades. C'est ce qu'on découvre dans les fameuses archives Mitrokhine, publiées en France chez Fayard sous le titre « Le KGB contre l'Ouest ». Je cite. Le vénère de l'après-guerre, estime Marcus Wolf, était un être aux contradictions inconciliables. Bien qu'il ait joué un rôle essentiel dans l'abandon du marxisme par le SPD, il gardait la nostalgie de ses racines communistes. En 1973, ce fut avec une intense émotion qu'il retrouva le successeur d'Ulbricht, Erich Honecker, avec qui il avait milité en Sarre près d'un demi-siècle auparavant. Ce dernier avait organisé cette rencontre avec le soin le plus méticuleux, veillant par exemple à ce que le gâteau servi pour le thé dans un pavillon de chasse ait exactement le même goût que celui qu'avait naguère confectionné pour Wenner, la mère d'Honecker. Après sa mort en 1990, Honecker proclama que, s'il avait abjuré le communisme, Wenner avait toujours pour but l'union du mouvement ouvrier, l'édification d'une république socialiste allemande. Engagé au milieu des années 1950 avec beaucoup de timidité, parce que Ulbricht le soupçonnait absurdement d'être un espion britannique, les contacts secrets avec Wenner devinrent plus faciles lorsque ce dernier fut nommé ministre des Affaires allemandes en 1966. Il avait alors des réunions régulières avec l'avocat de l'Est, Wolfgang Vogel, qui négociait des questions « humanitaires » entre guillemets, avec les autorités fédérales. Vogel prenait directement ses instructions auprès d'Erich Milke, ministre de la Sécurité d'État, et lui faisait un rapport après chaque entrevue avec Wenner. Selon Wolf, Milke rédigeait seul les rapports sur les conversations avec Wenner qui étaient transmis à Honecker. Et un peu plus loin, on lit encore, Milke ne manquait pas de se vanter auprès du sang, c'est-à-dire le KGB, que les analyses régulières de Wenner donnaient à la Stasi une ligne directe au cœur même de l'état-major politique ouest-allemand. On comprend donc mieux pourquoi ce Wenner est devenu le grand ami de Vogel. Alors, parlez-moi plus précisément de ce commerce, puisque vous avez employé le mot. Assez vite, grâce à ses contacts à l'ouest, Vogel a compris que les autorités de la RFA étaient prêtes à payer pour faire libérer un certain nombre de prisonniers politiques. Alors, c'est-à-dire, soyons clairs, les acheter. Exactement. Et de l'autre côté, conseillé par Vogel, les dirigeants est-allemands ont non moins rapidement entrevu les avantages de tels marchés. D'abord, évidemment, ils récupéreraient des devises fortes, et tous les pays de l'ancien bloc de l'Est en avaient besoin. Ensuite, c'était un moyen très pratique de se débarrasser de pas mal d'indésirables. Voilà, des opposants. Oui. Et des dissidents, oui. Car malgré la formidable toile d'araignée dans laquelle la Stasi avait enveloppé la RDA, il restait des citoyens qui osaient critiquer le régime. Des personnages asociaux, comme on disait. Des gens qui n'adhéraient pas à la propagande officielle du parti. Et qu'il convenait de museler. De chasser, si en plus ça pouvait rapporter de l'argent. Oui, effectivement. Et alors, ça a commencé quand, là? Il y avait déjà eu quelques tentatives dans les années 60, mais c'est vraiment avec l'avènement au pouvoir de Willy Brandt et la mise en place de l'Ots politique que ce commerce s'est développé. Alors voilà comment ça se passait. Avec ses amis de l'Ouest, Vogel établissait des listes. Des listes de prisonniers. Oui, et revenu chez lui, l'avocat soumettait cette liste de noms à l'un de ses supérieurs de la Stasi. Et à très haut niveau, donc. Évidemment. Et parfois, ça remontait jusqu'au ministre de la Sécurité publique, Erich Milke. Ouais. En face de chaque nom, on indiquait un chiffre. Ah oui, un chiffre, c'est-à-dire le prix à payer. C'est ça, ouais. Parce que ce n'était pas toujours la même somme. Ah bien sûr que non. Il y avait des prisonniers plus chers que d'autres. Mais ça dépendait de quoi, ça? De la personnalité de l'homme, ou de la peine à laquelle il avait été condamné. Un prisonnier qui purgeait une peine de 15 ans était forcément plus cher qu'un type qui avait seulement écopé de 3 ou 4 ans. Quant aux détenus à vie, alors là, il valait une fortune. En outre, les intellectuels étaient encore plus coûteux. Ouais. Et ça pouvait aller jusqu'où, hein? Certains prisonniers ont été vendus 150 000 marques. C'est-à-dire l'équivalent... Attendez, 500 000 de nos francs des années 70-80. Plus grave encore. Il semble bien que dans certains cas, on a demandé à la justice est-allemande d'alourdir certaines peines. Ah oui, afin d'obtenir de la RFA un meilleur prix. Tout à fait, ouais. Et alors, ces Allemands de l'Est se conduisaient comme de véritables maquignons. Vous avez d'autant plus raison qu'il y avait parfois marchandage. Ouais. Alors, cet argent-là, où allait-il exactement? Une grosse partie allait aux organes de sécurité. La Stasi, par exemple. Et peut-être aussi aux services secrets, lorsqu'il s'agissait d'espions ou présumés tels. Il est probable aussi que de hauts dirigeants est-allemands en ont profité pour remplir des comptes ouverts à l'étranger. Des comptes qui leur ont parfois bien servi après la chute du mur en 1989. Mais dans un état bureaucratique tel que l'était la RDA, il est apparu assez rapidement qu'il fallait rationaliser ce commerce et le centraliser. Une tâche qui a été confiée à un puissant personnage, Alexander Schalk Kolokowski. Mais nous allons reparler de cet homme. Oui, bon. Et Fogel, alors? Lui, il recevait forcément un pourcentage sur chaque transaction. Et puis, de temps en temps, les autorités l'autorisaient à traiter pour son propre compte. Ah oui, une petite activité indépendante. Et là, c'était tout bénéfice pour lui. Ouais, je dois aussi préciser que ces paiements n'ont pas tous été effectués en devise. En quoi alors? Bien d'équipement, matériel? Tout ce qui manquait en RDA, et même en armes. Et c'est un des aspects les moins connus de ce trafic humain, car il met forcément en cause des politiciens ouest-allemands. Mais encore un peu de patience. Terminons d'abord avec Fogel et avec le système qu'il a contribué à mettre en place. Il est arrivé un moment où la matière première a commencé à manquer. Quoi, les prisonniers politiques? Oui. Alors, si j'ose dire, on en a inventé. De faux prisonniers politiques? Et surtout de vrais candidats à l'émigration. Des gens qu'on a soumis à un véritable chantage. Vous voulez partir à l'Ouest? Eh ben d'accord. Mais vous nous abandonnez tout ce que vous possédez. Ou alors, on vous colle en prison sous un prétexte quelconque. Et là encore, c'était tout bénéfice, puisque la RFA payait aussi pour obtenir la libération de ces malheureux. C'est abominable. Hein? Mais ça s'est malheureusement passé comme cela. Et vers la fin, au moment où le régime a commencé à craquer, et que des milliers d'Allemands de l'Est ont franchi les frontières et ont afflué dans les ambassades de RFA à Prague et à Budapest. Pour obtenir un visa de sortie. Et bien là encore, c'est Fogel qui a organisé leur départ vers l'Ouest en réquisitionnant des trains. Et ça lui a rapporté. C'est vraisemblable, sur tous les tableaux. Car Fogel, qui se piquait volontiers d'humanisme en public, a pu ainsi peaufiner son image de bienfaiteur en venant au secours de tous ces réfugiés entassés dans les ambassades et en leur permettant de régulariser leur situation. Mais alors là, la chute du mur de Berlin et la réunification qui a suivi ont été pour lui une véritable catastrophe. Oui, la vache à lait était tarie. Pour lui, c'était la retraite. Ouais. Dans l'Allemagne réunifiée, pouvait lui demander des comptes, hein, au sens propre d'ailleurs, comme au sens figuré. Ne serait-ce qu'en raison de son appartenance à la Stasi. Et quelques semaines après la chute du mur, il a été brièvement inquiété. Toutefois, c'est en 1992 qu'il est arrêté, écroué. Mais il est vite relâché après le versement d'une assez grosse caution. Ce qu'on lui reproche essentiellement, ce sont plusieurs cas d'extorsion. Alors, il s'agit de ce chantage qu'il a exercé sur des candidats à l'expatriation. Oui, et la justice, de crainte qu'il ne fuit à l'étranger, comme son patron, Erich Honecker, demande sa réincarcération. Et il passe à nouveau quelques semaines en prison avant de comparaître devant le tribunal fin 1994. Là, on lui reproche aussi, et c'est assez surréaliste, de ne pas avoir déclaré ses revenus. Et ses revenus, c'est l'argent de ce trafic humain. Il faut remarquer que plusieurs hommes politiques de renom, comme l'ancien chancelier Helmut Schmidt, volent à son secours et mettent en avant le caractère humanitaire de son action. Résultat, en 1996, l'avocat est condamné à 2 ans de prison avec un sursis et une amende de 92 000 marques. Une pagne pour lui. Et 2 ans plus tard, il est amnistié, à l'exception des accusations d'évasion fiscale. La justice a donc été très clémente. Hein. Excessivement clémente, oui. Et la seule explication possible, c'est que Fogel savait beaucoup trop de choses et qu'on n'avait pas du tout envie qu'il déballe ses petits secrets. Et c'est là qu'on retrouve son ami Schalk Kolokowski, secrétaire d'État au ministère du Commerce extérieur de la RDA, un organisme qu'on appelait familièrement la COCO. COCO, mais de quoi s'agissait-il exactement? Cette COCO, Commission pour le Commerce Extérieur, gérait tous les échanges économiques, officiels ou pas, entre les deux Allemagnes, et Schalk Kolokowski en était donc le grand Manitou. Ami personnel du numéro 1, Erich Honecker, il était tout puissant et s'occupait aussi bien de trafic d'œuvres d'art volées que de la gestion des magasins où l'on ne payait qu'en devises fortes. Oui, comme ceux qui existaient en URSS. Et où ne pouvaient accéder que les étrangers et les dignitaires du régime. Schalke Golokowski avait aussi la haute main sur ses comptes bancaires secrets ouverts dans des paradis fiscaux par ces mêmes notables est-allemands. Alors c'était donc un personnage pratiquement intouchable. Hein. J'ajoute qu'il entretenait des relations suivies avec des politiciens très en vue de la RFA. Vous avez les noms ? Franz Josef Strauss. Ah, le... Comment on l'a appelé déjà ? Le taureau de Bavière. L'homme qui a longtemps été le patron de ce Länder et qui avait créé son propre parti démocrate chrétien, la CSU. Un politicien qui affichait un anticommunisme virulent. Eh bien, malgré cela, Strauss était un ami de Schalke Golokowski. Et à la demande de ce dernier, il avait même pu obtenir un crédit d'1 milliard de marques destiné à Berlin-Est. Mais il n'y avait pas que Strauss. D'autres dirigeants ouest-allemands ne répugnaient nullement à fréquenter Schalke Golokowski, même si ensuite ils ont affirmé tout ignorer de ses véritables activités. Ouais, hypocrisie. Bien entendu. Mais le volet le plus secret était le trafic d'armes. Des armes très sophistiquées et donc soumises à embargo. Et qui ont ainsi pu parvenir en RDA grâce aux connivences tissées par le patron de la COCO. C'est pourquoi ce Schalke Golokowski, qui au moment de la réunification était l'un des hommes les plus recherchés de la Nouvelle-Allemagne, est passé sans difficulté aucune à travers les mailles du filet et coule aujourd'hui des jours tranquilles dans son pays. Ah, il n'a jamais été condamné. Jamais, non. Et l'énorme dossier constitué contre lui a été purement et simplement classé. Mais il faut aussi dire que ce Schalke Golokowski est sans doute le seul homme qui connaisse le secret de ce qu'on a appelé le trésor de la Stasi. Tous ces milliards placés à l'étranger et dont on a mystérieusement perdu la trace. Un dernier mot. Dans un livre de souvenirs, le dernier chef de gouvernement de la RDA, Lothar de Maizière, lui aussi avocat, écrit ceci à propos de son confrère, une défense plutôt rude et même crue. Wolfgang Vogel ne m'est certes pas sympathique, mais la fonction qu'il remplissait était indispensable. Voyez-vous, quand une canalisation d'égout se rompt, il faut qu'un plombier se sacrifie et descende dans le cloaque pour réparer. Quand ensuite il ressort, tout le monde lui dit « tu pues ». Cela s'est passé ainsi pour tous ceux qui avaient la lourde charge en ex-RDA, de servir d'intermédiaire. Ils ont contribué à atténuer les tensions, mais ils se voient aujourd'hui traîner en justice. Il devait y avoir quelques passeurs entre les deux mondes. Le livre de Lothar de Maizière, Requiem pour la RDA, a été publié en 1995 par De Noël.